coucou, bonjour, bonsoir, merci d'être là. Merci d'être là fidèle à ce rendez-vous que je vous donne le mercredi, le dimanche et le lundi. Fidèle parce que, effectivement, c'est la 874e, 874 émissions dans lesquelles nous retrouvons tout ce que nous aimons, les chansons, les amours et les vies de tout et de toutes. Voilà, nous sommes là pour partager ce moment de bonheur avec votre radio locale, Sorgia FM, et bien sûr avec Guy qui est là pour vous rendre ce plaisir, pour vous donner ce plaisir d'écouter la radio. Nous sommes ensemble pendant 2 heures, et pendant ces 2 heures, il va y avoir un panel de chansons, dont la première, c'est Angélique Servant qui va nous la jouer. Eh oui, elle va nous la jouer. Allez, c'est parti. Il va y avoir également José Lozego, Marie Desbruyères, et puis la Corrèze de chez nous. On est parti? Bien sûr, on est parti. Éclairer les rues. Voilà, ça c'était un démarrage en trombe, vous l'avez bien compris, hein? Deux belles mélodies que l'on vient d'écouter. Mais ce n'est pas fini, hein? Non, non, non, non, on vient juste de commencer. Bernard Delfigéas avec Adios, Pulcinella. Faisait beau et que Naples était belle, comme il était bleu le ciel en ce temps-là. Tu m'entraînais de ruelle en venelle. Quel était ton nom? Je ne m'en souviens pas. Il ne me reste qu'un air de tarentelle, une marionnette habillée de satin, et toi qui riais en tirant les ficelles. Maintenant je sais que ce n'était qu'un jeu. Pour toi, et ce drôle de pantin, c'était moi. Je ne sais pas si vous avez les yeux bleus. Toujours est-il que cette chanson va nous permettre, eh bien, tout simplement, de dire bleus sont tes yeux. Et après, vous aurez le plaisir d'écouter Fiesta a Valencia par André Lop et son orchestre. Bleus sont tes yeux comme le ciel d'été, comme ailleurs de l'oiseau, je voudrais m'envoler. Blanc tes cheveux comme un champ de blé, comme je voudrais m'y cacher. Bouche vermeille quand tu me réveilles, essaie de me dire des secrets à l'oreille. Ton doux regard me rend amoureux, tout comme le bleu de tes yeux. Comme le jardin a besoin de la pluie, le marin de l'étoile dans la nuit. Chaque matin que m'apporte la vie, c'est mon cœur pour toi qui redit. Bleus sont tes yeux comme le ciel d'été, comme l'oiseau je voudrais m'envoler. Blanc tes cheveux comme un champ de blé, comme je voudrais m'y cacher. Bouche vermeille quand tu me réveilles, essaie de me dire des secrets à l'oreille. Ton doux regard me rend amoureux, tout comme le bleu de tes yeux. La vie a changé, qu'on n'a plus ni d'hiver ni d'été. À ma fenêtre, le soleil à l'année, dans tes yeux, tu m'as apporté. Bleus sont tes yeux comme le ciel d'été, comme l'oiseau, je voudrais m'envoler. Blanc tes cheveux comme un champ de blé, comme je voudrais m'y cacher. Bouche vermeille quand tu me réveilles, essaie de me dire des secrets à l'oreille. Ton doux regard me rend amoureux, tout comme le bleu de tes yeux. Ton doux regard me rend amoureux, tout comme le bleu de tes yeux. Voilà, André Lhope, vous le connaissez, hein, bien sûr, toujours fidèle au poste, comme on dit, toujours fidèle avec son accordéon, avec bien sûr ses chansons et ses rires qu'il nous fait tout simplement. Alors, Bleus sont tes yeux, que l'on vient d'entendre tout dernièrement, Fiesta à Valencia par André Lhope, eh bien maintenant, c'est tout simplement, il faut pas se casser la lénette, c'est Virginie Pouget. Qui pour quelques ennuis aiment bien se compliquer la vie. Y a ceux qui pleurnichent tous les matins et ceux qui s'énervent pour tout et pour rien. Il faut pas se casser la nénette, ça n'a jamais rien changé. On a tous un vélo dans la tête qui promet de vieilles idées. Oublier ses ennuis à la fête, pour ne pas regretter un jour. Être passé si près de la vie à l'amour, pour s'être gassé la nénette. La maison, le bureau, les voisins, le patron, les factures, les crétins, le boulot qui peut finir demain, et la fiancée qui vous pique un copain. Il faut pas se casser la nénette, ça n'a jamais rien changé. On a tous un vélo dans la tête qui promet de vieilles idées. Oublier ses ennuis à la fête pour ne pas regretter un jour. Être passé si près de la vie à l'amour pour s'être cassé la nénette. Se casser la nénette, ça n'a jamais rien changé. On a tous un vélo dans la tête qui promet de vieilles idées. Oublier ses ennuis à la fête pour ne pas regretter un jour. Être passé si près de la vie à l'amour pour s'être cassé la nénette. Je marcherai derrière tes pas? Eh bien, pourquoi pas, hein? Ah oui, pourquoi pas? Parce que tout simplement, je ne peux pas t'oublier. Je marcherai derrière tes pas. C'est le premier titre. Je ne peux pas t'oublier. C'est le deuxième titre qui va suivre. Je marcherai derrière toi. avec moi vers mon pays. Je voudrais tant que tu sois mienne, que ton amour ne m'oublie pas, pour que ma vie Marie la tienne. Je marcherai derrière tes pas, pour que ma vie Marie la tienne. Je marcherai derrière tes pas. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Nous allons connaître avec la chanson, la mélodie qui va continuer. On va connaître le pays des rillettes avec Manu Blanchet. Et Patrick Caron, lui, nous parlera de quelque chose que je vous laisse découvrir. C'est au pays des rillettes que j'ai rencontré Ginette. C'était dans dans un balbuzette. L'ambiance était plutôt chouette. Elle m'a dit, viens mon petit gars, je vais m'occuper de toi. C'est comme ça que j'ai appris les pas du tcha-tcha sartois. Dur, dur, les pas du tcha-tcha. Surtout quand il est sartois. Dans un bal à Mulsanne que j'ai rencontré Suzanne. Elle m'a dit, viens mon petit loup, on va danser le gambadou. J'ai levé les jambes tellement haut, j'ai chopé un lumbago. J'ai pensé 3 semaines au lit, mais maintenant c'est reparti. Dur, dur, les pas du cha-cha. Surtout quand il est sartois. Sans décombois, j'ai rencontré Anita. Elle s'est approchée de moi, on a dansé la polka. Elle m'a dit, tu fais 2 pas, au malheur, j'en ai fait 3. Nos pieds se sont emballés, sur le parquet on est tombé. Dur, dur, les pas du cha-cha. Si ça se trouve, vous pouvez m'aider, c'est pour quand il est sartois. Allez. Surtout quand il est sympa. Une pointe d'accent. C'était donc Patrick Caron. Il était à Chabris et c'était le 25 juillet 2021. Waouh, que le temps passe! Un petit pot pourri de boléro, cela se déroulait au mois de mai. We'll be right back. Pourrait-on vivre sans amour? Moi, je dis non. Non, non. Impossible. Sandrine Tarrer, elle, nous interprète un medley de cha-cha-cha. Et on est parti. Pourrait-on vivre sans amour? Et le medley de cha-cha-cha. Pourrait-on vivre sans amour, sans le bonheur des doux matins, sans les sourires et les bonjours, les souvenirs du lendemain? Pourrait-on vivre sans amour, sans imprévu au jour le jour, sans un espoir au fond du cœur et sans jamais compter les heures? Sans le parfum d'une belle rose, une jolie bouche soudain qui ose, un doux regard qui nous redit, viens avec moi très loin d'ici. Quand le départ de l'un des deux met une larme dans ses yeux, sans l'arc-en-ciel d'un doux retour, pourrait-on vivre sans amour? Pourrait-on vivre sans amour, sans la chanson du troubadour, sans Cupidon qui dans nos cœurs met de sa flèche le bonheur? Jolie bouche soudain qui ose, un doux regard qui nous redit, viens avec moi très loin d'ici. Quand le départ de l'un des deux met une larme dans ses yeux, sans l'arc-en-ciel d'un doux retour, pourrait-on vivre sans amour? Pourrait-on vivre sans amour, sans le bonheur des doux matins, sans les sourires et les bonjours, les souvenirs du lendemain? Pourrait-on vivre sans amour, sans imprévu au jour le jour, sans un espoir au fond du cœur? Pourrait-on vivre sans amour? Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. We'll be right back. Ta vie, sa vie, pour terminer cette émission? Eh oui, pourquoi pas? Ta vie, c'est le matin, sa vie, c'est tard la nuit. Voilà pourquoi l'amour vous fuit, mon ami. Ta vie se passe ici, sa vie l'emporte au loin. Votre amour ne tient plus à rien. Il ne te parle pas, il a perdu le pas. Comme un danseur sans mélodie, étourdi. Toutes les chansons d'amour que t'écoutais toujours sont des souvenirs un peu lourds. Votre roman fini avant de commencer, et tu l'auras vite oublié. Ce livre que t'as écrit, c'est un triste récit à cause d'une page déchirée. Tu crois en la famille, lui aux lumières qui brillent. Vous n'avez plus le même destin, c'est certain. T'as besoin d'affection, lui recherche les millions. Tu le vois entre deux chansons. Place à la deuxième partie. La deuxième partie, j'allais presque dire comme toujours, pas toujours, mais bien souvent. Allez, on va passer un grand moment, mais alors un grand moment avec Georgette Plana. Au bal de l'escadrille, c'est lui que mon cœur a choisi, et après nous verrons. De grands garçons très francs, amis du firmament, les yeux pleins de lumière et sans nulle manière, dans le matin serein d'une journée sans fin, calmement décollait, c'était encore la paix. Au bar de l'escadrille, parmi les rires et les trilles, ils fêtaient leur champion au retour des missions. Tous les dangers du ciel leur semblaient irréels. Les filles bien plus belles et

dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça tourne en moi, ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira de ma bouche. Georgette Plana, pour la dernière, en fumant la cigarette. Et si on fume la cigarette avec Georgette Plana, autant vous dire que c'est comme cela. Les cartes sont sur table et les joueurs pressés ont les yeux pleins de fièvre et s'en vont se placer avec un calme admirable. Un croupier très aimable, aux cheveux noirs lissés, a saisi plusieurs jeux et vient de les passer au banquier fort respectable. Les brèmes ont été brassées et la partie est commencée. Tout en fumant la cigarette, on prend fiévreusement les cartes sur le tapis. On file un brin puis l'on s'arrête et le frisson passé, c'est tant mieux ou tant pis. On perd ma foi mais l'on s'entête et machinalement sur la table accroupie, on voit se défiler toute sa belle galette tout en fumant la cigarette. Comme dans 20 minutes, on a perdu parfois ce qu'on avait gagné pendant plus de 20 mois. Tous les métiers vous rebutent, on renonce à la lutte et l'on se dit, ma foi, travailler maintenant, je ne vois pas pourquoi. Et c'est la grande culbute, on se laisse aller dans la boue. Puis un soir, c'est sa vie qu'on joue. Tout en fumant la cigarette, au détour d'une rue, on attend le passant. On n'a plus qu'une chose en tête, avoir beaucoup d'argent, le besoin est pressant. Le jour où l'occasion s'y prête, on trempe lâchement ses deux mains dans le sang. On égorge au hasard un commerçant honnête, tout en fumant la cigarette. Tout en fumant la cigarette, un frisson dans la peau, on monte à l'échafaud. On fait deux pas, puis l'on s'arrête. On a l'air de crâner, mais on sent que c'est faux. C'est à ce moment qu'on regrette d'avoir trop obéi au plus grand des défauts. Et devant le couteau, on incline la tête tout en jetant la cigarette. Quelquefois dans cette émission, on a l'habitude de rendre hommage à nos chers chanteurs disparus. Eh bien, nous allons passer une petite dizaine de minutes avec eux. Biche, oh ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche, oh ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Elle a

on a chanté la parisienne, leur petit nez et leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes pour le torero. Cette deuxième partie de l'émission a pris fin avec le souvenir de ces anciens chanteurs disparus. Et nous commençons la troisième partie. Et cette troisième partie, c'est tout simplement le quart d'heure italien. On est parti al chiaro di luna. Io e te, già lontani nel sole, mentre un angelo canta per noi. Parole che sfidano il tempo, finché l'alba per noi spunterà. Con un bacio al chiaro affascina, non muore mai, e suona per me dentro l'anima, mentre il mondo si ferma per noi. Con un bacio chiaro di luna, tra le stelle può nascere un fior, solo un bacio che porta fortuna, che mi illumina e scalda. Titi d'amore, Diego et Marcella, toujours sur le 91 et sur le 102.5, sur GFM, la radio la plus proche de chez vous. Sono solo avversità, senza alcuna verità. Quei problemi nati fra noi. Tutto quanto passerà, se una rosa fiorirà, aspettiamo che prima o poi. Dimmi che sei ancora qui per me, quanto poi verrà, questo amore crescerà senza soste o freni fra noi. Una storia senza età non può stare lì a metà, chiarimenti avrà prima o poi. E dimmi che sei ancora qui per me. Si c'est votre anniversaire, eh bien cette mélodie vous est destinée, en italien bien évidemment. Tu non mi lascerai. Mai, se un giorno i nostri figli fortuna tu non mi lascerai. Cerco un angelo, autrement dit, je cherche un ange. C'est pour vous. Et si vous ne l'avez pas trouvé, continuez à le chercher. Il n'est pas si loin que ça. Avrò cercato un amore che sappia amarmi fino al centro dell'anima e non regali rose e baci celando infedeltà, ma voglia regalarmi solo un cuore di sincerità. Cerco una angelo per me, che mi scaldi quando il sole non c'è. Voglio un angelo che mi porti via su nell'immenso, oltre quel blu. Sera sto scoprendo che quell'angelo forse sei tu. Il nettare di questa vita è l'amore, sai. E siamo un mare senza sale se non amiamo mai. Ma io non voglio più affogare nel mio mare e poi ritrovarmi su una zattera che remo contro i sogni miei. Cerco un angelo scaldi quando il sole non c'è. Voglio un angelo che mi porti via su nell'immenso, oltre quel blu, oltre ogni amore più su. Una canzone. Écris-moi une chanson. Daniele Cordaiani. Batte più piano questo cuore e tu lo sai. Ora tu capirai che il tuo amore è il solo amore che vorrei. Il desiderio E on termine avec Franco Bastelli, Vecchio Organino. C'est une valse. Mmh.